ma génération. Dans mon ghetto, y'a pas de héros. Fuck la tolérance, zéro. Sa politique et tous ses hommes en cravate. Starco, probablement coupable des blèmes pro dans nos baffles. Au parlement, tous coupables de détourner du pifton. On gêne ici, alors dans nos pays, nous pis. Coupable pour homicide, coup d'état à domicile. Vendre au détail leurs missiles, faire une vendetta, c'est facile. Coupable des coupables, on est l'archive. Notre combat ici-bas n'est pas invincible. La France est coupable, trop de balles, on est indivisible. Donc grand balle, coupable de glisser un billet sous la table. Rentable, comme se servir dans l'argent du contribuable. Loin d'être aimable, c'est véritable. L'accusable, coupable, tout tape, plus jurable. Facile, fiable, sur les faibles, abusables. Dans les ambassades, ça se cache derrière les façades. La rue s'écrase, faut arrêter les ruses et les pas. À côté de qui? À côté de toi? Qui t'a dit qu'on n'avait pas les mêmes droits? Sauter pour qui? Sauter pourquoi? Je le dis, rares sont les gens qui marchent droit. Servir pour qui? Servir pourquoi? Dans la vie, on est ce que l'on est depuis qu'on est né, je crois quoi? Courir pour qui? Courir pourquoi? À ton avis, quand tu vas mourir, personne va nourrir, t'as mis fin. Assis sur le banc des accusés, on prend du doigt. On fait partie des gens qui sont abusés par l'État. Liberté, égalité, fraternité, ça se voit pas. La vérité se voile pas, ça se voit qu'on a hérité de leur faux pas. Prémédité comme leur débat. Irrité par leurs dégâts. Moi je sors mes griffes comme Vega sur Sega. Quand je grave, je guette à nickel, t'as les chmettes. Coupable de manipulation, coupable d'oppression, d'exclusion.